En direct avec Anne de Lille, mon jardin mérite un bon coup de frais. Des bons plans pour s'équiper ? Anne, en ce moment, chez Castorama, c'est l'opération Hello les promos dans tous les rayons. Comme avec la tondeuse thermique tractée Performance Power 51 cm, 166 cm3 à seulement 259€. Hello les jolis promos ! C'est l'événement chez Castorama, l'opération Hello les promos. C'est plein de bonnes affaires à saisir dans tous les rayons. Mais dépêchez-vous, c'est seulement jusqu'au 20 mars. Castorama, changer nous fait avancer. 1500 pièces pour tous les magasins participants. Hello, bonjour. France Inter. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, la fiction, la série Opération Lima, épisode 4, Sauver la France et les enfants, épisode 5, Le retour sur Terre. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Opération Lima. Une série de Vincent Hazard. Coordination Christophe Barrère. Réalisation Cédric Ossir. Quatrième épisode. Sauver la France et les enfants. Mia reste introuvable, c'est bien sûr le titre aujourd'hui du quotidien L'Est Républicain. L'enquête avance tout de même, quatre personnes sont en garde à vue, dont les trois hommes soupçonnés d'être les ravisseurs. Ils seraient de la mouvance survivaliste, en revanche ni la petite fille de 8 ans ni sa mère n'ont été retrouvées. Nathalie Pérez, Anne-Charlotte Hiné et François Banner. C'est dans cet immeuble cossu du 19e arrondissement qu'a été interpellé hier matin l'un des ravisseurs présumés de la petite Mia. Les enquêteurs ont interpellé trois autres suspects et saisi des produits pouvant servir à la fabrication d'explosifs. Tous étaient suivis par les services de renseignement pour leur appartenance à la mouvance survivaliste, où les adeptes s'entraînent à des techniques de survie dans la perspective de catastrophe. Section de recherche de la gendarmerie de Nancy, vendredi 16 avril 2021, 8h15. Je suis venu vous apporter un message clair de soutien de la part de la DGSI et éliminer tout malentendu entre nos deux services. Je veux que vous sachiez que nous allons collaborer au mieux de nos capacités, mais nous travaillons sur une affaire qui est en lien avec la vôtre. Vous comprenez qu'en tant que service de renseignement, la nature de nos enquêtes nous empêche de communiquer aussi librement que d'autres services. C'est compréhensible. Nous avons été alertés d'abord par votre recherche de véhicules qui concernait des personnes que nous suivions et une deuxième fois par votre demande de mise sur écoute du lieutenant-colonel Carboni. Cet individu nous intéresse fortement et comme vous le savez, on ne peut pas être deux pour écouter. Et nous, on ne va pas pouvoir se débrancher. C'est dommage car le lieutenant-colonel Carboni a été cité par un des mis en cause. Il a sûrement joué un rôle clé dans l'organisation de l'enlèvement. Il faut juste nous laisser un peu de temps. Nous avons intégré vos besoins et nous allons vous communiquer les PV de retranscription des conversations dès que possible. La vie d'une petite fille est en jeu. Je sais bien, et croyez bien que nos équipes sont vigilantes. Mais l'affaire que nous traitons est elle aussi extrêmement délicate. Et j'imagine que vous ne pouvez pas nous en dire plus. Dans l'immédiat, je ne peux pas. Mais je peux vous dire que certains de vos suspects seront sûrement aussi mis en examen dans notre affaire. Et nous travaillons avec tous les moyens à notre disposition pour interpeller M. Rémi Daillé et le rapatrier en France. Mais, excusez-moi, j'ai quand même un gros doute. On annonce partout que ces gens-là sont des survivalistes. Moi, c'est pas ce que je vois dans les profils que nous avons. Vous avez raison. Nous avons plutôt affaire à une mouvance d'ultra-droite qui prépare des actions violentes. Ne vous inquiétez pas, Michael, ils vont partager ce qu'ils ont. Il faut juste être un peu patient. C'est juste que je vois passer pas mal de noms en épluchant les messageries des prévenus. J'ai le fameux lieutenant-colonel Carboni, dont a parlé Corbeau, mais j'ai aussi un colonel Maginot, un colonel Renan, un colonel Y. Ça commence à faire du monde. Je comprends, c'est une situation délicate, et on est tous un peu à cran. Bon, allez prendre un petit café avant de vous y remettre, là. Nous sommes décidés à redevenir maîtres de notre destin et rien ne nous arrêtera. Nous avons plus de moyens militaires que le gouvernement fantoche de la République. Nous avons des soldats plus redoutables. Nous avons plus de gens et plus de forces. J'avise incidemment nos adversaires qu'ils n'ont pas intérêt à s'éterniser dans le pays car nous n'aurons pas la mansuétude de nos prédécesseurs. Le jour où je franchirai la Seine, la France se libérera. Préparez-vous. Convainquez les militaires hésitants, les cadres du pays, qu'ils constituent des réseaux. Contactez-nous, nous vous enrôlerons. Joignez vos forces aux nôtres. Je vous annoncerai le jour où nous agirons. Le peuple renversera ce pouvoir illégitime. Votre temps est venu, votre pays vous est rendu. Vive la France! Il y a comme deux affaires en une, et je comprends pas ce qui les relie. Un enlèvement de petites filles et un complot d'extrême droite. Tu vas trouver que je déraille, hein, mais j'ai presque l'impression que l'enlèvement de Mia masque une opération plus grande. Un coup d'État ou... Arrête, je t'ai dit. La DGSI sur le coup, eux ils vont s'occuper de ça. Nous on a une gamine à retrouver. Ah, t'as raison, Karim. Et toi? Ça va aller avec la police suisse? Ouais, ils parlent plutôt bien français pour des étrangers. T'es tout seul là? Ouais, je vais être seul dans la voiture. Je vais les suivre pour aller au monastère. Ah, ils ont été efficaces, hein. Bon allez, on part là. Voilà, je te laisse. Bon courage à toi. Ouais, merci. Quand je regarde les gars que nous avons arrêtés, je vois pas de dangereux commando d'ultra-droite. Mais ils ont pas le profil survivaliste. Ils ont pas le profil. Jeannot est un marginal qui pèse 40 kilos tout mouillé. Corbeau vit reclus à regarder le foot et jouer aux jeux vidéo. Quant à Pichoun, il vit la nuit dans des cabarets parisiens. Pas vraiment des profils de barbouze. Quant au dernier arrivé, Eric, son profil vient encore plus brouiller les pistes. Quelle est votre profession? Je suis directeur technique d'une entreprise de BTP. Quels sont vos revenus mensuels? Environ 6 000 euros, net. Avez-vous été informé de l'alerte enlèvement de la petite Mia? Oui. Le lendemain, je crois. Pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est passé avec la petite Mia? Pourquoi? On n'enlève pas une gamine à sa mère, point barre. Connaissez-vous la maman de Mia? Comme ça, sans plus. Quand l'avez-vous rencontrée? Le jour même. Vous connaissez Pichoun, Corbeau et Jeannot? Connaître, c'est un grand mot. Mais oui. Comment vous êtes entré en contact? Par mon ami Basile. Et comment connaissez-vous Basile? On était dans le même mouvement politique, le CNT. Le Conseil National de Transition d'Éric Fioril. Qu'est-ce que c'est? C'est un parti? Non. C'est plutôt un mouvement, avec des adhérents. L'idée, c'est de redonner le pouvoir au peuple. Le reprendre aux élites qui ont tout confisqué. On faisait des manifestations et on militait sur les réseaux. Bon, c'est un mouvement dans la mouvance extrême droite. C'est pas vrai. Je suis pas du tout d'extrême droite, moi. J'ai voyagé sur toute la planète, je suis contre toute forme de racisme. J'ai eu une éducation catholique stricte, d'accord. J'ai pas toujours fait ce que j'ai voulu dans ma vie, mais j'ai des valeurs. Je suis humaniste. Et mon fils a changé de sexe, il est né fille et a choisi de devenir un garçon. Je ne l'ai jamais rejeté, je ne suis pas comme ça. Je veux juste le bien des gens. Faites-vous partie du mouvement pour le grand renversement? Non, je connais pas. Rémi Daillé? Non, je connais pas. Comment vous vous êtes retrouvé à participer à cette opération? C'est Basile qui m'en a parlé. Je lui fais confiance. Il m'a expliqué la situation de la jeune femme qui était particulièrement injuste. On a aussi voulu vérifier par nous-mêmes avant de dire oui. C'est-à-dire? Basile et moi, on a voulu voir par nous-mêmes, donc on est allé rencontrer la maman, Lila. J'ai pris ma voiture, ça devait être en mars. On est allé dans les Vosges pour la voir. Donc vous ne l'avez pas rencontrée juste avant, comme vous disiez? Non. On voulait la voir avant pour ne pas faire n'importe quoi. Elle nous a paru très bien, très malheureuse, mais en pleine possession de ses moyens. Vous connaissez un lieutenant-colonel faisant partie de l'organisation? Non. Vous connaissez un dénommé Bouga? Qui ça? Non. Et Roméo? Ça vous dit quelque chose? Non, désolé. Je connais à peine le nom des gens avec qui j'étais, à part Basile. En fait, j'étais juste un chauffeur. Basile n'a pas de voiture. Vous avez une idée de la destination de Lila et Mia en Suisse? Non, je sais pas. Je gardais les véhicules pendant qu'ils traversaient la frontière. Ensuite, je suis reparti avec Basile et je l'ai déposé chez lui avant de rentrer chez moi. Eric nous a donné l'adresse de Basile, mais il n'y a personne et son portable est débranché. Bon, vous pensez qu'il est avec Mia et sa mère? C'est peu probable, il n'a pas le permis. Et Eric l'a ramené chez lui à plusieurs centaines de kilomètres de la Suisse. On fait une surveillance, mais on l'enlève de la liste des objectifs prioritaires. C'est noté. Adjudant Raoui, dites-moi que vous avez de bonnes nouvelles. Écoutez, je suis désolé, capitaine. On a perquisitionné plusieurs monastères de la zone frontalière et on n'a rien trouvé. La police fédérale suisse, elle, a lancé un avis de recherche pour Roméo et la Porsche Cayenne. Entendu. Merci, tenez-nous au courant. Bien sûr, capitaine. Marc, du nouveau? Oui, grâce à son portable, on a logé le dénommé Bouga. Ah, enfin une bonne nouvelle! Il habite un pavillon dans une zone résidentielle d'un village alsacien. Il s'agit d'un animateur petite enfance. Pas d'armes connues, pas de chien, aucune mention au fichier, il a un enfant. A priori, c'est sans risque opérationnel, on attend votre feu vert pour l'interpeller. Pas de traces de Mia ou de sa mère? A priori, non. Mais on peut pas en être sûr. Mon colonel, on n'envoie pas le GIGN? Peut-être pas. Au vu des renseignements que l'on a, envoyer le PSIG suffira. Pas besoin de la cavalerie. C'est aussi ce que je pense, surtout qu'il y a des enfants. On va lancer l'opération, si ça vous va. Oui, bien sûr. Je vais contacter le parquet pour les autorisations, mais on devrait pouvoir lancer dans la soirée. Les prévenus ne savent pas ou ne veulent pas nous dire où est Mia. Basile est introuvable et Roméo, le contact en Suisse, n'est pas identifié. Bouga est notre seule piste. Il ne faut pas se louper. Préparez-vous à une nouvelle courte nuit. Merci à vous. Capitaine, je voudrais l'autorisation d'auditionner un nouveau corbeau. Pourquoi? Ils nous ont déjà donné le nom de Roméo. C'est par rapport au lieutenant-colonel Carboni qui l'a mentionné. Je voudrais approfondir, en attendant les rapports de la DGSI. On sait jamais. Bon, allez-y, mais ne faites pas une fixette sur les militaires. L'objectif reste de retrouver Mia, d'accord? Ensuite, on s'occupera des complicités. Oui, bien sûr. Merci, capitaine. Je voudrais reparler avec vous de votre engagement dans le grand renversement de Rémi Daillet. Je vous ai dit, j'étais aux manifestations de Florian Philippot et puis j'ai rencontré Pichoun. Et les autres. Vous dites que vous êtes des milliers dans le mouvement. Comment vous savez ça? Non, je sais pas, c'est Daillet qui le disait, mais je sais plus s'il faut le croire. On était nombreux quand même sur les réseaux. Vous utilisez quel canal pour discuter? On discute pas de choses sérieuses sur Facebook, on va sur des groupes sécurisés. Comme VK, c'est le Facebook russe, il n'y a pas de censure, ou encore des messageries chiffrées. On utilise des adresses pronto mail, WhatsApp, tous ces trucs pour pas se faire repérer. Vous parliez aussi d'un lieutenant-colonel. Carboni, c'est ça? Ouais. De ce que je sais, c'est lui qui a structuré le mouvement. On l'a rencontré plusieurs fois avec Pichoun à Paris, mais aussi dans le sud, parce qu'il avait quitté Paris pour passer sa retraite dans un petit village des Landes. C'est un vieux, mais il est super gentil, super intéressant. Il m'a fait découvrir plein de trucs. Avec lui, c'était quasiment des leçons spirituelles tout le temps. Environ de Mont-de-Marsan, décembre 2020, 9 semaines avant l'enlèvement. Ah, Pichoun, tu connais même pas ton autre père en latin et tu te dis bon catholique? Oh, peut-être pas, mais moi je sais improviser sur l'Ave Maria. C'est vrai. T'as déjà entendu Pichoun jouer, Corbeau? Pas trop, j'avoue. Ah, dommage. Ces mélodies sont des offrandes à Dieu. Oh, tu me flattes! Non. Si j'osais, je te demanderais de jouer un morceau pour nous. Mais ça te dérange? Non, ça me fait plaisir. Tu sais que je t'apprécie, Pichoun. Je vous remercie tous les deux d'être venus jusqu'à moi. Ah, sans vous, j'aurais jamais pu installer tous ces trucs sur l'ordi. Là. C'est compliqué même pour nous. Il faut bien que tu utilises le VPN et les messageries chiffrées pour discuter avec les gens du mouvement. Parce que maintenant, on nous écoute déjà quand on n'a rien fait. Alors si tu parles de choses comme on parle... Oui, je sais. Mais je me dis que je me fais vieux pour tous ces trucs quand même. Mais non, tes conseils sont hyper importants. Tu sauras convaincre les militaires de nous rejoindre. Ouais, j'essaie. On verra bien. Moi, j'ai des contacts, c'est vrai. Une certaine crédibilité au regard de ma carrière. C'est hyper important. T'as servi la France, toi. Tu sais ce que c'est que d'avoir souffert dans ta chair pour la patrie. Justement, j'ai trop de douleurs avec mes vieilles blessures. Je n'arrive plus à tout faire pour le mouvement. Faut pas nous lâcher, hein. On va lancer des opérations importantes bientôt. Oh, pas ces histoires de gamins placés encore. Hein. Si, Rémi trouve que c'est un bon entraînement. Oh, Pichoun, mais c'est des conneries, tout ça. C'est pas sérieux. On peut pas enlever des gamins. Ça va attirer l'attention sur nous. Et pour quel résultat? Des enfants ordonnés à des parents qui ne sont sûrement pas capables de s'en occuper. C'est pas vrai. Laisse-moi parler. Il y a énormément d'enfants placés qui disparaissent. Énormément qui sont abusés. Ça, ce sont des faits. Ce sont des conneries, je te dis. Rémi Daillé m'a demandé l'autre jour de contacter un officier de gendarmerie dont je n'avais jamais entendu parler pour essayer de ralentir une opération de placement d'une enfant. Mais tu te rends compte? Il était prêt à me griller auprès d'un gendarme pour une histoire de gamine dont on ne sait rien. Il avait sûrement ses raisons. Écoute, Peach, je veux juste que vous fassiez gaffe. Daillé parle bien, mais il dit aussi beaucoup de conneries. Il faut qu'on fasse attention. Bon, si on veut un renversement pacifique, ou au moins le plus pacifique possible, il va falloir beaucoup de soutien et être très organisé. Et le lieutenant-colonel a quitté le mouvement suite à ça. Il a dit que ça servait à rien. C'est Daillé seul qui a voulu cette opération? Non, il y avait beaucoup de gens, comme Bouga, qui étaient à fond pour essayer de sauver des enfants. On pensait que ça pouvait nous aider à nous aguerrir avant de faire le renversement. Qui a remplacé le lieutenant-colonel quand il est parti? Pichoun. Ils étaient amis. Mais Pichoun n'est pas un grand organisateur, si vous voulez mon avis. Alors, vous avez obtenu des réponses? En partie. Le lieutenant-colonel reste une énigme pour l'instant, mais je comprends mieux la logique. Si vous me permettez, capitaine. Allez-y, oui. Il y a plusieurs types de profils dans l'organisation de Rémi Daillé. Mm-hmm. Les gens viennent avec des idées différentes, des profils différents, on l'a vu. C'est juste. De ce que je comprends, et d'après Corbeau, les militaires n'étaient pas très chauds pour l'enlèvement de Mia. Le lieutenant-colonel aurait même quitté l'organisation à cause de cette opération. Intéressant. En fait, c'est Daillé qui décide. Il a commencé sa carrière de gourou avec un site qui expliquait comment faire l'école à la maison. C'est comme ça que Lila, la maman de Mia, l'a rencontré. Puis il s'est mis en tête de faire la révolution. Mais il n'a jamais oublié la cause des enfants qui, d'après lui, souffrent dans le système. D'où les deux types de profils. Et ce mélange de méthodes militaires et d'impréparation du commando. Les vrais militaires les ont lâchés. Ça n'est pas rassurant. Ça veut dire que la mère et la fille sont sûrement livrées elles-mêmes. Gendarmerie, ouvrez, ouvrez, ouvrez, on entend ça. Mais qu'est-ce que c'est? Les mains contre le mur. Ah hey, oh, laissez ma femme tranquille, là. Au sol. Elle est où, Mia? Qui ça? Mia, elle est ici. Je sais pas qui c'est, moi, oh. Elle est où, Mia? Hein? Elle est ici? Non, je sais pas, moi. Mia, je connais pas. Ah. C'est juste notre fils à l'état, donc... S'il vous plaît, ne faites pas de mal. Section de recherche de Nancy. Vendredi 16 avril 2021, 22h. Bouga refuse de collaborer. Le temps n'est plus à prendre des gants. Il va falloir passer la vitesse supérieure. On va essayer, mon colonel. Capitaine, si je puis me permettre, on devrait peut-être auditionner d'abord sa compagne. Elle semble plus ouverte à la discussion. Et si elle parle, ça nous fait un levier sur lui. Capitaine, vous en pensez quoi? On peut tenter. De toute façon, on ne tirera rien de Bouga pour l'instant. Madame, votre mari est accusé de faits très graves. Il risque de passer de nombreuses années en prison. Oh, Dieu. Pour l'instant, il refuse de coopérer. Il semble très sûr de ses convictions, mais il ne réalise pas que la petite et sa mère sont en danger. Je peux, capitaine? Allez-y. Pour tout vous dire, elles sont sûrement dans un pays étranger à l'heure actuelle. Elles n'ont pas d'argent et n'ont nulle part où aller. La petite fille est en danger. Il faut qu'elle revienne dans un environnement stable pour elle. Je comprends, oui. Je me suis doutée que quelque chose n'allait pas quand j'ai vu mon mari réagir à l'alerte enlèvement diffusée à la télé. J'ai senti qu'il y était mêlé. Vous étiez au courant des activités de votre mari au sein du mouvement appelé le Grand Renversement? Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais si c'est le mouvement de Rémi Daillé, oui. En fait, il faut vous expliquer. Mon mari est éducateur et il est resté à VGT à la maison depuis un an. Il passe son temps sur son ordinateur. Moi, je gère un magasin, je sais pas tout ce qu'il fait. Mais pendant ce temps, tout seul, il s'est remis à déprimer. Et c'est moi qui l'avais encouragé à se rapprocher d'une association qui s'occupe de l'enfance. Quel type d'association? Quand j'ai rencontré mon mari, il était dépressif. Il a vécu des mauvais traitements dans son enfance. Ça le hante. Et maintenant, il est obsédé par la maltraitance des enfants. Il voulait agir, alors je crois qu'il est tombé sur cette association de l'école à la maison de Rémi Daillé, qui s'occupe beaucoup des enfants placés. Mon mari s'est investi à fond là-dedans. Mais Rémi Daillé est connu pour prôner le renversement du gouvernement. Ça, c'est autre chose. Mon mari ferait pas de mal à une mouche, il est vegan. C'est le sort des enfants qui l'intéresse. Mais quand on veut sauver les autres, il faut d'abord aller bien soi-même. Avec la Covid, l'enfermement, il s'est pas senti. Il a fait une rechute dans la dépression. Et j'ai bien vu que Daillé a de l'emprise sur lui. Le nom de Rémi Daillé est devenu tabou entre nous. Je sais qu'ils avaient parlé de rendre des enfants placés à leur mère. Vous savez où pourrait se trouver la petite Mia et sa mère ? Aucune idée. Vous connaissez un certain Roméo ? Oui, j'ai déjà entendu ce nom. Mon mari lui a parlé plusieurs fois au téléphone ces derniers temps. Pitchoun, Jeannot, Eric, Basile, Corbeau ? Est-ce qu'un de ces noms vous dit quelque chose ? Non, désolé. Vous avez autre chose à ajouter ? En décembre, mon mari a accueilli à la maison une autre femme, à qui on avait placé la fille. Elle prétendait que sa fille se faisait violer régulièrement dans le centre où elle était placée. Mais je la sentais pas. Elle était instable et je pense que Daillé et mon mari devaient prévoir de l'aider aussi. Je sais pas où ça en est. Mais c'est vrai qu'on voit des vidéos sur Internet, sur les réseaux francs-maçons qui exploitent les enfants sexuellement avec la complicité des services sociaux. On ne sait pas trop en même temps, on ne peut pas être certain de ce qu'ils disent. Je peux vous dire que j'ai jamais vu passer de signalement pour des rites sataniques ou pédophiles qui se tiendraient dans des loges maçonniques ou des centres haseux. Ce sont des vieilles légendes complotistes. Ce sont souvent les mamans elles-mêmes qui inventent n'importe quoi. Les QAnon américains inventent aussi des histoires farfelues qui sont traduites et importées chez nous. Ils prétendent que les élites font prélever l'adrénochrome du cerveau des enfants. Bon, c'est une molécule qui, soi-disant, permet de vivre éternellement. Ah oui, c'est des théories qui semblent assez dingues. Mais des fois, on est surpris par la réalité. Votre mari se décrit comme QAnon ? Il aime bien Trump, mais il croit pas à des trucs aussi fous. Enfin, je crois pas. On vous a trouvé un peu de nourriture végane. Merci. Nous allons verser au dossier l'audition de votre femme. Qu'est-ce qu'elle vous a dit ? Tant que l'audition n'est pas versée au dossier, je n'ai pas le droit de vous le dire. Mais il y a des éléments à charge. On va peut-être la garder. Vous essayez de faire pression. Mais on n'a rien à se reprocher. Oui, on a rendu une enfant sa mère. On a agi parce que la justice voulait pas rendre la vraie justice. Et on l'a fait sans violence. Quel était votre rôle dans l'opération ? J'ai sélectionné Lila et Mia. J'ai fait passer les tests à Lila pour vérifier qu'elle était apte à récupérer son enfant. Et après, j'ai aidé. Et j'ai donné mon avis. Mais j'étais pas sur place. Quels étaient ces tests ? Des tests psychologiques. Je les ai trouvés sur Internet. Et on lui a fait faire un bilan sanguin aussi, pour vérifier qu'elle n'était pas toxico. Vous avez une formation de médecin ou de psychologue ? Non. Où sont Lila et Mia ? Là. Maintenant. Je sais pas. Et Roméo, vous connaissez sa véritable identité ? Non. On se parlait comme ça sur messagerie sécurisée. Nos messages ont été effacés. Vous savez que vous risquez la perpétuité pour enlèvement de mineurs ? Je sais. Vous avez pensé à votre femme, votre fils, si vous prenez 20 ans ? Ne menacez pas. Ce sont pas des menaces. On essaye de vous faire prendre conscience de la merde dans laquelle vous êtes. Ce que l'adjudant-chef veut dire, c'est que votre situation est très grave. On essaye de vous aider. Il faut que vous nous disiez où se trouvent Mia et sa mère. Ou au moins que vous nous aidiez à les retrouver. Oui, mais je comprends. Mais... je suis désolé, je peux pas faire ça. Derrière leur écran total, les gens se régalent. La ville est à cran d'arrêt, visage pâle. C'est le carnaval. Mais où sont les enfants et les clairières d'opale dorénavant ? Ah, que le cœur me fend, je me souviens mal du monde d'avant. Très mal. J'étais où et quand pour le grand final ? mange le feu de Bengale. Derrière mon écran sans doute, mon écran total, à perdre les pédales. Je n'avais pas mes lunettes spéciales. J'étais où et quand, derrière mon écran, et je disais mal. Mon amour pour toi, mon amour pour toi, pour toi. Sur quel pied le danser, mon amour pour toi. Sur quel pied le danser, mon amour pour toi, mon amour pour toi, pour toi. Sur quel pied le danser, mon amour pour toi, mon amour pour toi, pour toi. Sur quel pied le danser. Le grand président, sanglot de reptile, s'adresse à son don. Rien à l'abri dans son palais d'argile avec tous ses descendants. Normal, mais il pleut sur la ville et on le sait, l'argile mollit. Eh oui. Alors tous les civils, vous, sanglots de reptiles aux gémonies, c'est génial. On le linge sur la place publique, on piétine le pacte civique. France Inter. Affaires sensibles. Opération Lima. Une série de Vincent Hazard. Coordination Christophe Barrère. Réalisation Cédric Ossir. Cinquième épisode. Le retour sur Terre. Que le plus important, c'est de, même pour la justice, c'était d'abord de protéger les plus vulnérables, les gens contre les crimes, contre la personne. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était le contraire qui se passait. On va continuer d'en parler. Oui, André Berkoff, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio avec Laurence Beneux et nous allons continuer de parler des abus sexuels dont les enfants sont victimes et des dysfonctionnements judiciaires. Alors, pourquoi les victimes ne se sentent-elles pas protégées par la justice? Si vous êtes concerné par ce sujet, appelez-nous tout de suite au 0826 300 300 et dans quelques instants, on vous donne la parole sur Sud Radio. On est démunis face à ces gens. Ils sont persuadés de se battre pour une bonne cause. Ils veulent rendre une enfant en danger à sa mère. Et le climat de défiance envers les institutions de l'État, parfois à raison, n'arrange rien. Le propre grand-père de Mia approuve l'enlèvement qu'a organisé sa fille. Il l'explique en direct sur BFM et il se lâche. Les puissances de l'argent là, d'aujourd'hui ont soumis tout le monde. Pourquoi croyez-vous que l'AS fait tout ça pour l'argent? Un enfant passé, c'est 8 000 euros. Peut-être que les assistants sociaux qui font leur rapport sont de bonne foi. Mais le rapport, quand il arrive au juge, il est modifié. Et quand il demande des explications, on lui dit, si tu veux ton chèque, dis-moi. Tu fermes ta gueule. Dans tous les domaines, les médecins, cette bête qui a 9 têtes, c'est tout ce qui fait notre société, quoi, qui est à revoir. Et nous sommes en train de bousiller la Terre, nous sommes en train de bousiller notre civilisation au profit de Satan. Et vous seul pouvez faire quelque chose. Allô? Bonsoir, monsieur Gomis. Je vous dérange, hein? Bonsoir, madame. Non, c'est bon. Ça va? Vous vous doutez pourquoi j'appelle? À cause de votre ex-mari qui soutient les ravisseurs de votre petite fille à la télé. On est séparés, vous savez. Je ne le vois plus du tout. J'ai longtemps aimé son esprit libre. C'est un homme bon et généreux, vous savez. Mais après, quand on fait un enfant ensemble, on rentre dans une autre vie. On se rend compte que ces différences qui nous attiraient chez l'autre, elles deviennent problématiques quand on doit élever un enfant et qu'on ne pense pas pareil. Vous parlez de Lila ? Oui. Son père a toujours laissé Lila faire ce qu'elle voulait. Il voulait qu'elle expérimente tout par elle-même. Moi, j'étais pas d'accord. Vous étiez plus traditionnelle ? Un peu. Mais le père de Lila est une tête de pioche et le résultat, c'est que Lila est incapable de se plier à une autorité. Elle n'est pas armée pour vivre en société. Enfin, dans cette société. Elle en souffre. Nous aussi. Je me sens coupable d'avoir laissé faire. Je suis restée toujours présente pour elle et pour m'occuper de ma petite fille qui, elle, recevait jusqu'à présent une éducation normale. Je comprends. Et vous pensez que votre ex-mari pourrait être partie prenante dans l'enlèvement ? Franchement, je ne pense pas. Nous ne sommes pas en mauvais termes. Vous savez, c'est pas facile pour lui. Il n'a pas de retraite. Il vit, je ne sais même pas où, à côté de chez ma fille. Il a passé des années à Notre-Dame-des-Landes, dans la forêt avec les zadistes. Il a toujours eu un côté marginal. Je vois. Il est plutôt affilié extrême-gauche, alors ? Il l'était. Mais quand je l'ai entendu à la télé, je dois dire que je ne comprends plus trop ses idées. Il est croyant ? Je crois qu'il est attaché à la foi chrétienne, oui. Lila aussi parlait souvent des églises ces derniers temps. Hein ? Elle disait que les églises l'apaisaient. Je vois. Merci, madame, pour ces détails. On vous convoquera si on a besoin de les mettre par écrit ? N'hésitez pas. Mais vous n'êtes pas à Saint-Dié en ce moment ? Non, madame, je suis à Nancy pour l'affaire. C'est devenu une enquête internationale. Je ne sais pas si ça me rassure d'entendre ça. Ça veut dire aussi qu'on a plus de moyens pour les retrouver. Ça avance. On n'a jamais été aussi proches. Encore un peu de patience. Que Dieu vous entende. Section de recherche de Nancy. Samedi 17 avril 2021, 9h15. Tout ça n'est pas sérieux. Maintenant, c'est le grand-père qui nous compare à des suppôts de Satan et souhaite qu'on ne retrouve pas sa fille et sa petite-fille. Ça tourne à la farce. Mon colonel, la situation n'est pas bonne. Il y a un gros soutien aux ravisseurs dans les groupes Facebook que je suis pour l'enquête. Et l'intervention du grand-père dans les médias n'a rien arrangé. Les gens se demandent si la mère n'a pas eu raison. Ça représente combien, ce soutien ? Des milliers de gens. Potentiellement, sur Facebook, il y a des milliers de gens qui soutiennent les ravisseurs. Des milliers de gens soutiennent le grand-père Zinzin qui parle de l'action de Satan ? Pas forcément littéralement. On vit une époque formidable. Les gens ont vu des reportages dénonçant des dysfonctionnements à l'ASE. Et ils ont de l'empathie pour la mère. C'est normal. C'est normal, oui, mais ils ne connaissent pas les raisons pour lesquelles la justice lui a enlevé la garde de sa fille. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Juliette Arrault, vice-procureure de la République. Madame. Le procureur général m'a chargée de suivre l'affaire avec vous, vu la complexité et l'urgence. Si j'ai bien entendu en arrivant, il n'y a pas grand-chose de nouveau. La situation est un peu bloquée. Bouga refuse de collaborer, Daillé est en Malaisie et Basile et Roméo sont introuvables. Bien, je me doute bien que vous faites le maximum, mais il va vraiment falloir des résultats. Les médias et les politiques nous mettent une grosse pression. Je vais me mettre dans un coin avec mes autres dossiers. Je vais vous laisser faire votre travail, mais dès que vous avez quelque chose, vous venez me voir. Au sujet de Rémi Daillé, j'en profite pour vous confirmer que tant qu'il reste en Malaisie, nous ne pouvons rien faire. Okay. Nous n'avons pas d'accord d'extradition. Et le Quai d'Orsay est en train de faire la demande, mais il ne faudra pas compter sur une action rapide. Madame le procureur, je suis désolé, mais je crois que vous devriez écouter l'adjudant Raoui. Il a du nouveau. On t'écoute, Karim. Adjudant, ici la vice-procureure Arrault. Vous êtes sur haut-parleur, vous pouvez parler librement. Bonjour, bonjour à tous. Alors voilà, la police fédérale a reçu un témoin, une femme, qui a vu Roméo, Lila et Mia le soir de leur arrivée en Suisse. On a fait l'audition. Je vous transfère tout de suite la vidéo. Racontez-nous ce que vous avez vu le mardi 13 avril au soir. Je venais de commencer mon service de nuit. Excusez-moi, vous pouvez préciser approximativement l'horaire ? Je dirais vers 22h30. Et vous étiez où exactement ? À la clinique. Et ça, c'était où, cette clinique ? À Berkla, dans le canton de Vaud, à 5 minutes en voiture de la frontière française. Bien, merci. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Je venais de prendre mon service, et là, j'ai vu une Porsche Cayenne noire, comme décrite dans l'appel à témoins, dans la cour de la clinique. Je suis descendue, et là, j'ai vu cet homme qui avançait vers moi. D'accord. Et quel âge il avait, approximativement ? Une trentaine d'années. Il ressemblait un peu à Romain Duris. Et vous diriez qu'il avait l'air menaçant ? Non, pas du tout. Il avait l'air paumé, surtout. Il est venu vers moi, il m'a dit « Vous m'attendiez ?» Là, je lui ai répondu « Ah non, pas spécialement, vous êtes qui ?» Et là, il me dit « Je vous emmène la maman et la petite. » Alors moi, je lui réponds « Vous êtes sûr que c'est ici ? Parce que moi, ça m'étonnerait. » Il m'a demandé « Vous n'êtes pas de la Croix-Rouge ?» Alors j'ai dû insister en disant que nous n'étions pas un centre de la Croix-Rouge. Mais son comportement était vraiment suspect. Après la conversation, il est resté longtemps sur le parking. Tout ça avait l'air louche. C'est pour ça que je suis ici, parce que je me suis rappelé de lui. Et vous êtes certaine qu'il n'attendait pas un autre contact au sein de l'établissement ? Certaine. Nous avons évoqué l'incident en réunion de personnel le lendemain. Tout le monde était aussi surpris. C'était la nuit, le personnel était au travail. Et surtout, on ne peut pas accueillir des femmes et des enfants dans l'enceinte. Hein ? Mais pourquoi ? Parce que la clinique est un établissement psychiatrique. Et qui traite des patients lourdement atteints, uniquement des hommes. Ouais. Certains sont même des pédophiles ou des meurtriers. Il y a une interdiction absolue d'accueillir des femmes et des enfants dans l'enceinte de la clinique. D'accord. Merci. Vous allez me rendre mon téléphone ? Oui, bien sûr. Oui. Dès qu'on est sûr d'avoir sécurisé les copies. L'infirmière a pris des photos de la plaque de la Porsche Cayenne. C'est le deuxième témoin qui prend en photo les ravisseurs, sans savoir ce qui se passait. C'est du jamais vu. Ces gens ne sont tellement pas faits pour le job que leur nervosité est suspecte pour tous ceux qui les croisent. Avec le numéro de plaque d'immatriculation, c'est un jeu d'enfant de remonter à son propriétaire. Roméo n'a pas falsifié la plaque. Il n'a pris aucune précaution. Il apparaît sous son vrai nom dans le fichier fédéral. Les collègues suisses n'ont plus qu'à le cueillir dans l'appartement de sa petite amie. Une cadre supérieure, bien sous tout rapport. Poste de police cantonale suisse de Fribourg. Samedi 17 avril 2021, 14h30. Le capitaine Joyant et l'adjudant-chef Gomis vont suivre l'audition en vidéo. C'est bon, capitaine ? C'est bon. On vous voit bien. Ok. Je suis désolé, je sais pas ce qui m'a pris. Attendez. On n'a pas encore commencé. C'est bon. C'est une histoire de fou. Commençons. Alors, monsieur, vous êtes entendu dans le cadre de l'enlèvement de la petite Mia, survenue en France le 13 avril 2021 vers 11h30. L'enquête menée par la gendarmerie française a permis de déterminer que vous êtes impliqué dans cet événement. Vous avez des déclarations à faire spontanément ? Oui. J'ai juste transporté une maman et son enfant d'un point A à un point B. Je voulais juste rendre service. Bien. Vous connaissez un mouvement appelé le Grand Renversement ? Oui. Je les avais découverts au mois de novembre. Mais j'étais pas vraiment au courant de tout ça. Enfin, des plans. Des plans ? Quels plans ? Des opérations. Je me suis occupé de faire des logos. Le site internet pour le compte de Rémi Daillet. Et vous connaissez les idées de Rémi Daillet ? Ouais. Son discours m'a séduit, j'avoue. Il voulait apporter du changement en France. Je suis de nationalité française, mais je travaille en Suisse. J'ai cru au discours de Rémi Daillet, mais je me rends compte que je me suis fait embobiner. Et je tiens à dire que je suis pacifiste. Il parlait de renversement, mais pacifique. D'ailleurs, en tant que membre de la commission communication, j'aurais jamais pris une arme. Quand je vois que j'en suis arrivé à être accusé d'enlever un enfant, c'est pas ce pourquoi j'avais rejoint le groupe. Ils font des choses que je soupçonnais pas. J'ai appris qu'ils fabriquaient des bombes. Moi, j'ai rien à voir avec ça. J'ai appris l'ampleur du truc par les médias. Je regarde pas la télé. Et j'ai vu l'alerte enlèvement qu'hier. Vous pouvez nous détailler comment vous vous êtes retrouvé sur cette opération ? Un dénommé Pichoun m'a contacté sur le blog du mouvement et m'a demandé si j'étais disponible mardi 13. J'ai accepté pour rendre un service. Quand j'ai récupéré la mère, elle m'a donné un bout de papier avec l'adresse où je devais les déposer. Mais j'ai pas réussi à trouver l'endroit. C'était quoi cette adresse ? Un foyer catholique pour enfants. Vous retrouverez les coordonnées dans le GPS de ma voiture. Et qu'avez-vous fait ensuite ? On a pas mal tourné en rond. Alors au bout d'un moment, je les ai déposés dans un hôtel. C'est même moi qui ai payé. Après, j'ai prévenu Bouga et Daillet, je suis parti. Vous pouvez nous dire quelle est l'adresse ? Oui, c'est l'hôtel du Festois à Chevroux. Section de recherche de Nancy, samedi 17 avril 2021, 16h15. Non, on est arrivé trop tard. Mia et sa mère sont bien restées dans l'hôtel, mais une seule nuit. Elles sont reparties du mercredi matin, en taxi. Roméo affirme ne pas savoir où elles sont allées après. D'après lui, c'est Rémi Daillé qui s'occupait d'elles en personne. Merci Karim. Je suppose que vous avez vérifié à la réception s'ils avaient une trace du passage du taxi. Ouais, ils ont rien. Mais on a commencé à appeler les compagnies de taxi de la région, il n'y en a pas beaucoup. On va trouver. Mais je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Merci Karim, on reste en contact. Merci capitaine. Malgré l'impréparation, malgré les erreurs de débutants et l'absence de plan pour exfiltrer Mia et sa mère correctement, Lila s'obstine et refuse de se rendre. Quel est son plan? Est-ce qu'elle en a un? Tu le sens comment, ce Roméo? Il essaie de minimiser son rôle, mais il est comme Jeannot et Corbeau, c'est un suiveur. La Porsche Cayenne est à lui? Ouais. Même s'il dit que c'est un vieux truc, qu'il travaille pas en ce moment, monte une start-up. Mais c'est la Suisse, le salaire de sa compagne suffit pour leurs besoins. Qu'est-ce qu'ils viennent faire dans cette galère? Franchement, je sais pas. Mais enfin, il savait qu'il transportait une femme en fuite, non? Ouais. Et tu trouves pas bizarre qu'il se soit pas posé de questions sur la légitimité de ce qu'il faisait? Il m'a dit qu'il faisait confiance à Bougard. C'est fou. Ils se rendent pas compte. Eric dit la même chose, il faisait confiance à Basile, Jeannot faisait confiance à Pichoun. Pour des gens qui voient des complots partout, ils font plutôt facilement confiance. Ouais, Roméo a l'air proche de Bougain, même s'ils sont pas du tout du même milieu social. Alors, ils ont des idées proches, véganisme, pacifisme, ils sont croyants, ils ont une quête spirituelle. Je sais pas quel est le degré mystique dans leur truc, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'ils ont perdu le sens des réalités. Ils se posent pas de questions sur la légitimité de ce qu'ils font, ça me dépasse. Et en attendant, Mia est en danger, ils jouent avec nos nerfs. J'ai comme une envie de les sortir de cellule et de secouer tout ce petit monde. Ouais, tu fais pas ça, hein. T'aurais des problèmes. Ah, évidemment, je suis pas con. L'idée que Mia passe une nouvelle nuit dehors nous hante tous. Je le vois dans les regards du procureur, du capitaine, du colonel et des collègues. Tout le monde trime malgré la fatigue. Ça va faire maintenant 5 jours que nous sommes à sa recherche. On va pas pouvoir tenir le rythme encore longtemps. Il faut que la situation se débloque. Mais malheureusement pour nous, c'est plus facile de tromper les gens que de leur prouver qu'ils se sont trompés. Section de recherche de Nancy. Samedi 17 avril 2021, 17h. Je ne sais pas ce que vous en pensez, ni même si c'est légalement possible, mais c'est sûr que ça devrait faire réagir Bouga. C'est un sujet sensible pour lui. Légalement, rien ne nous interdit de le faire. Pour moi, c'est bon. C'est plutôt vous. C'est risqué. Si vous le braquez, nous n'obtiendrons plus rien de lui. C'est vrai qu'il est fragile psychologiquement, il faut faire attention. On a essayé la manière douce. Bouga ne coopère pas. Il faut en avoir le cœur net, tant que la garde à vue n'est pas terminée. Mais c'est lui qui était en charge de l'organisation avec Daillé. Exactement. Qu'en pensez-vous, Joyant? Je pense que l'adjudant-chef Gomis ne s'est pas trompé jusqu'à présent. De toute façon, il ne parlera pas plus si on ne fait rien. Je dirais qu'il faut tenter. Merci. Bouga, je ne vais pas y aller par 4 chemins. Nous avons interpellé Roméo. Nous sommes allés à l'hôtel où il a déposé Lila et Mia. On sait maintenant qu'elles sont reparties le lendemain matin en taxi. Mais on ne sait pas où. Il dit que c'est vous qui lui donnez des instructions. Il faut que vous nous aidiez. Mais je suis désolé, je vois pas comment. Votre plan ne s'est pas déroulé comme prévu. Mia et sa mère sont dans un endroit choisi à la dernière minute. Qu'est-ce qu'elles vont devenir, d'après vous? La mère va trouver un moyen de refaire sa vie. Une mère, ça trouve toujours les ressources. Vous croyez vraiment que Mia est en sécurité? Mais oui, elle est avec sa mère. C'est la loi naturelle. Alors laissez-moi vous lire un extrait de la décision initiale de placement de Mia datée d'il y a 6 mois. La situation de Lila se dégrade fortement depuis plusieurs mois. Isolement social, risque d'expulsion, absence de couverture maladie. Lila tient des discours préoccupants qui régissent en partie sa fonction parentale. La nourriture serait empoisonnée. Elle refuse toutes les vaccinations et prises de médicaments pour Mia, car les médicaments ne servent qu'à transformer les gens en zombies. Elle ne remplit plus aucun document administratif pour ne plus être tracée par les services sociaux qui sont des réseaux pédocriminels satanistes. À son arrivée chez sa grand-mère en septembre 2020, Mia était déscolarisée depuis février 2020. N'avait plus de vêtements à sa taille. Elle était affamée. Mia explique au sujet de sa situation, je cite, « Je ne peux pas vivre avec maman tous les jours. Elle est malade. En colère tout le temps. J'arrête là. » Qu'est-ce que ça vous inspire ? Je ne savais pas tout ça. On a peut-être fait une bêtise. Vous ne pouvez pas laisser Mia dans cette situation. Sa mère n'est pas en capacité de s'occuper d'elle. Il faut vite la retrouver. Elle est en danger. Vous en avez conscience maintenant ? Oui. Je savais pas tout ça. Elle nous l'a pas dit. Vous pensez vraiment qu'elle vous l'aurait dit ? On n'aurait pas fait ça si on avait su. Vous avez une chance de vous reprendre. Il n'est peut-être pas trop tard. Vous savez où elles sont ? Non. Non, malheureusement, sur nos messageries, tout s'efface après la lecture. Quelle était la destination finale ? Vous aviez bien un plan quand même. C'était la Russie. Quoi ? Lila et Mia devaient s'envoler pour Saint-Pétersbourg. Quand ? Quel vol ? Je sais pas, c'est Daïe qui m'a dit. Je me suis pas occupé de ça, moi. J'ai juste fait la partie suisse. Mais je peux vous aider, j'ai une proposition à vous faire si vous voulez. Je peux vous aider, moi. Le destin joue avec nos nerfs. Quand Bouga nous a avoué la destination finale pour Lila et Mia, une partie de moi était soulagée. Il y avait bien un plan pour une nouvelle vie. Mais la Russie, vraiment, elle parle pas un mot, n'ont aucun papier. C'est le meilleur moyen de se retrouver dans un réseau de prostitution. Tous les aéroports suisses et français ont reçu la notification. Toutes les compagnies aériennes ont la photo de Lila et Mia dans leur registre. Reste à espérer qu'il ne soit pas trop tard. Vous me disiez que Bouga a commencé à collaborer ? Oui, c'est lui qui nous a parlé de la Russie. Bon, bravo, c'est un bon début. Merci. Il a proposé aussi de nous aider activement à rechercher la dernière adresse connue de Lila et Mia. C'est-à-dire ? Il faudrait qu'on l'installe devant un ordinateur pour contacter Daïe et lui demander où elles sont. Si on fait ça, on risque de compromettre la loyauté des preuves qu'il nous apporterait. Il a tout intérêt à se défausser sur Daïe ou les autres. Madame la vice-procureure, on n'a que ça. Bon, allez-y, mais soyez très prudent et vérifiez chaque message qu'il envoie à Daïe. Il faut que rien ne soit orienté, qu'on ne donne jamais l'impression de lui tendre un piège pour l'incriminer. Entendu, merci. On va vous installer dans la salle adjacente. Vous pourrez voir à travers la vitre Saint-Tin. Bon, le capitaine va arriver avec l'ordinateur. Vous voulez manger un morceau ? On a des plats vegan. Merci, ça ira. Au fait, comment vous savez que je suis vegan ? Vous êtes quasiment tous vegan ou frugivores dans le groupe. Mais vous, vous avez suivi Daïe pour son engagement pour les enfants maltraités, c'est ça ? Ouais. Et je suis contre la politique sécuritaire du gouvernement, contre cette mascarade avec le Covid. Je comprends toujours pas bien le lien entre la Covid et les enfants maltraités. Ben si, tout est lié. Les oligarques au pouvoir nous traitent comme du bétail. On n'est plus en démocratie. Ils nous exploitent, nous, et même nos enfants. Comment ça, exploiter nos enfants ? Ça, il faut s'intéresser aux enfants placés pour savoir. Ils vivent un calvaire. Ils sont battus, prostitués, dans les centres ou dans les familles d'accueil. Ouais, il y a sûrement des abus et des familles d'accueil qui sont toxiques. Mais c'est généralisé ! Les familles, c'est la partie cachée de l'iceberg. Les centres sont complices, comme les magistrats, et puis certains de vos collègues. On leur prélève l'adrénochrome. Vous connaissez ? Oui, j'en ai entendu parler. On kidnappe les enfants dans les centres d'accueil. On prélève leur adrénochrome pour créer des sérums de jeunesse pour les puissants. Et quand ils ont fini, ils utilisent les gamins comme esclaves sexuels. Mais qui ? Qui fait ça ? Ben, l'oligarchie ! Il y a des milliers de témoignages sur Internet. Comme celui de Mia et sa mère ? Mais vous avez entendu les raisons du placement de Mia. Vous voyez bien que c'était justifié. Bien sûr que toutes les mamans à qui on a enlevé le petit sont désespérées. Elles jurent qu'elles sont capables de s'occuper de leur enfant. Mais la vérité, c'est qu'elles ne le peuvent pas. C'est pour ça que l'État les prend en charge. Il n'y a pas de système pédophile mis en place par des élites. Vous imaginez le nombre de complices pour qu'un système comme ça existe ? Ça serait des milliers de personnes qui seraient au courant. Les personnels de l'ASE, les gendarmes, les magistrats qui devraient couvrir ces affaires. Vous pensez pas que tout le monde aurait déjà été mis au courant ? Moi, ce que je pense, c'est que tout le monde se fout du sort des enfants placés. Les gens, ils veulent pas voir. Ça va ? On a l'autorisation. Vous pouvez contacter Daillé. Vous croyez qu'il ne sait pas encore que vous êtes arrêté ? Je sais pas. Bon, on va tenter. Vous communiquez comment, d'habitude ? Par mail ou messagerie. J'aurais encore voulu parler à Bouga. Pour comprendre. Peut-être aussi pour essayer de lui montrer son erreur. Mais avec le capitaine dans la salle, c'est compliqué. Avec Bouga, comme avec les autres, le dialogue est facile. Il ne se méfie pas de nous. Il n'est pas parano. En fait, pour lui, les monstres, ce sont toujours les autres. Pas les gens qu'on connaît. Bon. Ça fait 50 minutes qu'on attend. Avec le décalage, avec la Malaisie, Daillé doit dormir. On va laisser l'ordinateur allumé et on vérifiera la boîte mail périodiquement. On va vous ramener en cellule. Attendez, j'ai une autre idée. Je peux demander à Harmony. Harmony ? À qui est-ce ? C'est une femme. Un contact du groupe. Je sais pas son nom. Je crois qu'elle vit dans le sud. C'est un peu la secrétaire de Daillé. Et quand les gens veulent rejoindre le mouvement, on les inscrit sur des listes et c'est Harmony qui s'en occupe. Et quand on a cherché un point de chute pour Lila et Mia, on a cherché dans les listes des sympathisants du mouvement si certains habitent en Suisse. C'est dans ces listings qu'ils ont trouvé la personne qui accueille Lila et Mia actuellement. Harmony doit avoir l'adresse. Allez-y. Vous pouvez lui envoyer un message. Elle est en ligne. Elle est tout le temps en ligne, de toute façon. Elle ne se doute de rien. On va vite le savoir. Elle m'envoie le nom et l'adresse. Voilà. Giulietta. Allez, voilà. Allez, je me rappelais qu'elle avait un prénom italien ou quelque chose comme ça. Cette adresse, c'est une étape ou un endroit où elle pouvait rester ? Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que Giulietta, c'est une sympathisante qui avait proposé d'aider. Section de recherche de Nancy. Samedi 17 avril 2021. 23h. Ouais, Karim. Salut, Mickaël. Écoute, c'est une mauvaise nouvelle. Vas-y. Les équipes du repérage de domicile de Giulietta nous disent que Mia et sa mère sont sûrement pas là en ce moment. Oh. Giulietta est seule chez elle. Mais comment est-ce qu'ils peuvent en être sûrs ? Ils ont un excellent visuel sur la maison. Et les fenêtres n'ont pas de rideau. La mère et la petite sont pas chez Giulietta. Qu'est-ce qu'on fait ? Opération Lima, une série de Vincent Hazard, avec Robinson Stévenin, Mounir Margoum, Karine Gouron, Yannick Laurent, François Hatt, Françoise Gaziot, François Chex, Roch Lebovici, Dominique Parent, Henri-David Cohen, Frédéric Ruiz, Sergueï Filipenko, Grégory Kidel, Alexandra Flandrin, Étienne Parc, Lorenzo Lefebvre, Malvina Plega, Xavier Robic, Jade Labeste, Caroline Piette, Alexandre Bierry et les voix de Marina Moncade et Stéphanie Pasquet. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage et mixage, Jason Taous, Titouan Labarre. Assistante à la réalisation, Sophie Pierre. Réalisation, Cédric Ossir. C'était Affaires sensibles, la fiction, série Opération Lima. C'était l'épisode 4, Sauver la France et les enfants, et l'épisode 5, Le retour sur Terre. Demain jeudi, nous écouterons le dernier épisode de cette série, le 6, intitulé Le Grand Renversement. Et puis nous écouterons notre invité, Gérald Bronner, sociologue et spécialiste des croyances collectives.